l'Éternel, car il est doux de chanter. Il est beau de célébrer notre Dieu. Il rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. L'Éternel prend.